بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، لونج الله سبحانه وتعالى qui nous a comblé de cette assise en cette nuit du 9 Shawwal 1441 qui correspond au 31 mai 2020. On se retrouve sur les ondes de cette radio de Taqwa pour profiter des leçons qu'a déduit notre noble cheikh, Cheikh Obeid, du hadith du messager alayhi salatu salam, de l'homme qui a tué 99 personnes. قال حفظه الله ومتع به وأطال عمره في طاعته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أهل أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة. انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمين فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة: فقال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره. حديث متفق عليه واللفظ لمسلم. إذنك شيخ حفظه الله سيت الحديث سلون أبو سعيد الخدري رضي الله عنه البروفيت عليه الصلاة والسلام دي: parmi ceux qui vivaient avant vous, il y avait un homme qui avait tué 99 personnes. Il demanda qu'il était le plus grand savant sur terre. On l'orienta vers un moine. Il est parti le voir et il lui a annoncé qu'il avait tué 99 personnes et lui demande: est-ce qu'il peut se repentir? Le moine lui répondit négatif. L'homme le tua, complétant le nombre de ses victimes à 100. Et de nouveau, il chercha le plus grand savant sur terre. On l'orienta vers un savant cette fois. Il est allé à sa rencontre et lui a annoncé qu'il a tué 100 personnes. Est-ce que je peux me repentir? Le savant lui répond, oui. Et qu'est-ce qui l'empêcherait de se repentir? « Va à tel pays, tu y trouveras des gens qui adorent Allah, adore-le avec eux et ne retourne plus dans ton pays. » L'homme se mit en marche. Arrivé à mi-chemin, la mort le saisit. Les anges de la miséricorde et ceux du châtiment se le disputent. Les anges de la miséricorde disaient: « Il est venu le cœur plein de repentir et tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala. » Les anges du châtiment argumenter: il n'a jamais fait le moindre bien. C'est alors qu'un ange de l'apparence humaine vient vers eux et ils l'ont pris comme arbitre. Et il suggéra aux deux parties qu'ils mesurent la distance qui sépare l'homme des deux pays et puis de le destiner au pays dont il sera le plus proche. il mesure et trouve que l'homme était plus proche du pays qu'il voulait rejoindre, le pays du bien. Les anges de la miséricorde le saisissent. Qatada a dit que Hassan al-Basri a dit quand la mort est venue le saisir, c'est-à-dire quand la mort est venue saisir cet homme, il s'est dirigé avec sa poitrine vers le pays des vertueux. Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim, et l'expression ici est celle de l'imam Muslim. Note. قال شيخنا حفظه الله هذا حديث عظيم كبير القدر يحوي أصولا وقواعد في الوعظ والمنهج والعقيدة فوائد عظيمة. الفائدة الأولى هذه القصة في بني إسرائيل كما صرح بها البخاري في روايته كان في بني إسرائيل رجل. Notre noble cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et allons servir dans son obéissance, a dit: ce hadith a une grande valeur et ce hadith contient des règles et des fondements concernant l'exhortation et concernant le menhaj et concernant l'aqida, et aussi il contient d'immenses leçons. Il dit Abdallah, la première leçon c'est une histoire de Banu Israël, comme l'a signalé le Bukhari dans sa version, où il est dit, parmi Banu Israël, il y avait un homme. قال شيخنا حفظه الله وقد يستدل بعض الجهلة المفرطين في الوعظ بغير قاعدته الشرعية وبضاعتهم إما حكايات وقصص لا أصل لها وقد تكون منامية مروية عن بعض الناس وإما حديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستدلون على منهجهم المنحرف الفاسد بمثل هذا الحديث فيقولون مثلا كيف تنهوننا وقد جاءت قصة كذا وكذا وكذا مثل هذه القصة الصحيحة. Il dit حفظه الله certains ignorants qui exagèrent dans l'exhortation sans se conditionner par les règles de la législation concernant l'exhortation et dont le bagage est composé d'histoires à dormir debout, d'histoires qui n'ont aucune source, et des fois leurs histoires ce sont que divisions dans des rêves rapportés de certains, ou alors ce sont des histoires venant du hadith inventé de toutes pièces qui n'ont rien à voir avec le messager d'Allah. Et puis ils argumentent avec ce hadith de l'homme qui a tué 99 personnes pour justifier leur mauvaise voie déviante dans l'exhortation. Ils disent par exemple, pourquoi vous nous interdisez de conter des histoires alors qu'il a été rapporté telle et telle histoire, hein, comme cette histoire authentique relatée dans ce hadith. يقول شيخنا حفظه الله والجواب بئس ما قلتم أتدرون ماذا يترتب على حجتكم هذه الضاحضة وقاعدتكم الفاسدة الميتة يترتب عليها أولا نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل ما تنتهجون من القصص والحكايات المكذوبة وثانيا لم يقل هذه النبي صلى الله عليه وسلم وما مات لها من القصص الصحيحة وسيأتي بعضها إن شاء الله في لقاءتنا القادمة من عند نفسه بل هو بالوحي قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فكيف تستدلون بالوحي على ما هو كذب واختلاق وافتراء وبدعة منكرة. Il dit حفظه الله la réponse à cela: quelle mauvaise parole vous avez dit? Vous savez ce qui découle de votre mauvaise utilisation de cet argument et votre mauvaise règle et de votre mauvaise règle? Il en découle premièrement le fait d'affilier le prophète alayhi salam à la voie que vous avez pris concernant les fausses histoires inventées. Deuxièmement, Le prophète n'a pas dit cette histoire authentique et si similaire que nous verrons lors d'autres assises de lui-même. Mais c'est une révélation qu'il a reçue d'Allah. Et Allah l'a décrit ainsi dans ce verset, dont la traduction approximative nous dit ceci. Il ne parle pas sous l'effet des passions, mais c'est une révélation qui lui a été faite. Et il dit, Habidallah, comment vous argumentez avec la révélation pour le mensonge et l'invention et les inventions blâmables que vous faites? يقول حفظه الله هذا المنهج لا ينتهج إلا الجهلة الذين ليس عندهم علم ما يعلمون به الناس الفقه في دين الله أو إنسان صاحب هوى حاقد على السنة وعلى علمائها فيريد أن يصرف الناس عنهم بهذه الوعظيات المحبوكة المزخرفة أقوالها إن دي حفظه الله تعالى. La voix de ces exhortateurs, de ces ignorants n'est pas prise la voix de ces exhortateurs est prise par les ignorants. Cette voix, c'est la voix des ignorants qui n'ont pas de science de la religion à enseigner aux gens. Ou alors c'est la voix d'une personne qui suit ses passions. Et la voix d'une personne qui suit ses passions, qui déteste la sunna, qui déteste les savants de la sunna. Et par le biais de cette histoire, par le biais de cette voix, il veut détourner de la science et des savants. Il veut détourner de la sunna. Et il veut détourner de la science et des savants les gens en inventant des belles histoires et en embellissant des paroles et en inventant des histoires à dormir debout. Et il dit, Habidahullah, fahdharu hada wa hada, ma'ashir al-muslimina wal-muslimat, wa'alamu anna khutab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa mawa'idahu tuqarriru usul al-dini wa qawa'idahu al-kulliya. Il dit, Habibullah, ô musulmans et musulmanes, faites attention à cela. Et là, sachez que les sermons du prophète, alayhi salam, et les khotab, et les sermons du prophète, alayhi salam, et ses exhortations, confirment des fondements et des règles fondamentales de la religion musulmane. Qala Habibullah, الفائدة الثانية أثر الجليس السيء على صاحبه وإن شئتم فقولوا أثر الجليسين كل على صاحبه الجليس الصالح وجليس السوء. Il dit, Habidahullah, la deuxième leçon, l'impact du mauvais compagnon ou l'influence néfaste du mauvais compagnon ou si vous voulez l'impact des deux sortes de compagnons sur ceux qui sont en leur compagnie, c'est-à-dire le bon impact du bon compagnon sur celui qui l'accompagne et la mauvaise influence du mauvais compagnon sur celui qui l'accompagne. يقول وإن شئتم فقولوا فيه دليل على أنه يجب على المسلم الحازم. وإن شئتم فقولوا فيه دليل على أنه يجب على المسلم الحازم في أمره الناصح لنفسه أن يختار الصالحين، فالرجل يختار الرجال من هؤلاء، والمرأة تستعين بالله على نكاح الرجل الصالح، ولهذا إذا عرض وليها عليها رجلا فاسقا شريرا أن ترفضه، وحتى تتخذ طريق السلام من شر أهلها فلتقل لهم اعرضوا علي غير هذا أنا لا أريد هذا وأنا أمانة في رقابكم فإذا عرض عليها من يرضى دينه وخلقه فلتستخير الله عز وجل فيه. Et donc, il dit, Habibullah, si vous voulez dites, dans le hadith, il y a la preuve qu'il est obligatoire aux musulmans qui ferme dans sa situation et qui est digne du conseil pour lui-même de choisir les vertueux comme compagnons. L'homme doit choisir parmi les vertueux et la femme demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui donner un mari vertueux. C'est pour ça, hein, si le tuteur de la femme lui présente un homme mauvais, pervers, il doit le refuser et présenter son refus de sorte d'être épargné du mal de sa famille et qu'il leur dise « Présentez-moi quelqu'un d'autre que celui-là, celui-là je ne le veux pas, je suis un dépôt entre vos mains, vous êtes responsable, hein, de ce qui va m'advenir. » Et si son tuteur lui présente quelqu'un qui est bon dans sa religion et dans son comportement, la femme doit faire la prière de consultation et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui octroyer, de l'orienter vers le bien là où il est. قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة وفي الحديث الآخر الصحيح لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي il dit habidallah le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, le messager a dit concernant le compagnon, hein, concernant le compagnon, il dit l'exemple du bon et du mauvais compagnon, c'est comme le vendeur de parfums et le maréchal Ferron. C'est comme le cédeur aujourd'hui. Le vendeur de parfums, soit il te parfume, soit tu vas lui acheter du parfum, soit tu vas sentir des bonnes odeurs en sa compagnie. Le maréchal Ferron, si il brûle pas tes vêtements, soit tu vas sentir des mauvaises odeurs en sa compagnie. Soit tes vêtements vont être brûlés et tu ne vas pas être empêché et épargné de sentir des mauvaises odeurs. J'ouvre une parenthèse pour que vous compreniez bien cet exemple. Les maréchaux ferrons existent encore dans certains villages, dans le Haut Atlas et un petit peu partout. Ils fabriquent des fossiles, ils fabriquent des ustensiles pour l'agriculture. Et donc, ils ont un soufflet, ils soufflent sur le feu et donc ça fait des étincelles. Les étincelles peuvent, arriver sur le vêtement et rendre le vêtement comme un tamis, avec plein de trous. Et aussi au moment où il sort les outils qu'il fabrique du feu, il les jette dans un seau d'eau. Et il y a une odeur nauséabonde qui émane de la rencontre de cette matière avec le feu. Une très mauvaise odeur. Et donc, cette mauvaise odeur va imprégner les vêtements. Et la personne, s'il est là en compagnie de Marie-Jacques Ferron, il va en être imprégné. Donc, et dans l'autre hadith, ce hadith du bon compagnon du vendeur de parfums et du maréchal Ferron, il est rapporté par l'imam Bukhari. Et dans l'autre hadith authentique, rapporté par Abu Daoud, et Cheikh Nasr Dil Halbani, rahmatullah alayhi, a jugé que c'est un hadith hassan, c'est un bon hadith. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ton compagnon doit être un croyant, et ne doit manger de ta nourriture que quelqu'un qui préserve les droits d'Allah. يقول شيخنا حفظه الله فهذا الحديث فيه عمومان قوله ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا خص منه أن الضيافة عامة قد يستضيف المرء إنسانا كافرا. وأما لا تصاحب إلا مؤمنا فهذا على عمومه. إذنك ندخل في الشيخ دي سحديث contient deux généralités, c'est-à-dire le dernier hadith, que ton compagnon ne soit qu'un croyant, et que ne mange de ta nourriture que quelqu'un qui préserve les droits d'Allah. C'est un hadith qui contient deux sens généraux, deux généralités. Et la parole du messager alayhi salam, il ne doit manger ta nourriture que quelqu'un qui préserve les droits d'Allah, ce son général a été spécifié par le fait que l'hospitalité est générale et donc l'être peut avoir comme hôte et comme invité un mécréant. Quant à la parole du messager alayhi salam, et tu ne dois avoir comme compagnon qu'un croyant, ce son général reste sur sa généralité. Il n'a pas eu de spécificateur. Donc, dans la première partie du hadith, se peut que la personne ait invité, pour une raison ou pour une autre, un mécréant à manger avec lui. Mais dans la deuxième partie du hadith, le croyant comme compagnon, ce sens-là reste général. Tu dois prendre comme compagnon et comme intime que des croyants. يقول حفظه الله وها هنا سؤال ما دليل هذا من هذا الحديث فنقول جليس السوء من كان معهم مساكنا لهم في أرضهم وهي أرضه فانظروا ما الدافع على قتله 99 نفسا. شيخ الجي سي il y a une question où se trouve l'argumentation dans le hadith du compagnon, du bon compagnon par rapport au hadith de l'homme qui a tué 99 personnes. Il dit, Havidahullah, on dit, le mauvais compagnon, ce sont les habitants du pays au milieu duquel vivait cet homme qui a tué 99 personnes. Il dit, voyons maintenant le motif qui l'a poussé à tuer 99 personnes. Qala Havidahullah, addafi'u amrun dunyawi, shahawat, قد تكون مالية وقد تكون شهوانية الله أعلم لم أجد لها ذكرا فيما وقفت عليه من روايات هذا الحديث فهؤلاء جلساء سوء لو كان بين صالحين بررة أتقياء لم يفعل ما فعل فالجليس الصالح إن نسي جليسه ذكره وإن عجز أعانه وإن جهل علمه وإن غفل عن أمر أرشده إلى ما هو خير وإن استشاره فإنه لا يشير عليه إلا بما هو خير له فيما يظهر للمستشار في العاجل والآجل وسيأتي مزيد تفصيل. إذ حفظه الله ici le motif, qu'est-ce qui a motivé cet homme a tué 99 personnes? Dit le motif peut être du domaine des tentations financières ou du domaine des tentations de débauche. Et seul Allah sait. Les motifs des cheikhs n'ont pas été cités dans les versions du hadith que j'ai eu entre les mains. Donc, cet homme était au milieu de mauvais compagnons. Car s'il était au milieu des vertueux, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Le compagnon vertueux, quand son compagnon oublie, il lui fait le rappel. Et quand il a pas la capacité de faire quelque chose ou il faiblit à faire quelque chose, il l'aide, il l'encourage, il le motive. Ici, il ignore quelque chose, il la lui enseigne. Ici, il est inattentif dans une situation, il l'oriente vers mieux que celle-ci. Et quand il lui demande un conseil, il ne lui conseille que ce qui est mieux pour lui, dans ce bas monde et dans son au-delà. قال حفظه الله الفائدة الثالثة فضل العالم الراسخ في العلم على العابد الزاهد الجاهل وكيف ذلكم. انظروا حينما سأل الراهب يأسه وقنطه من رحمة الله عز وجل فقال لا يعني ليست لك توبة، وهذا قد حميت جذوة الشر في قلبه واستحكمت الشهوة في نفسه، فالنتيجة أنه كمل به المئة. وأظن لو وجد كثيرين صنعوا معه مثل صنيع الراهب لقتلهم كلهم. الجهابدا الله لا تخوزيام لسون لمريت دي سافون كي انكري دون لا سيونس بارابور à l'adorateur, à cet ignorant. Comment cela, regardez, quand il a interrogé le moine, celui-là l'a fait désespérer de la miséricorde d'Allah. Il lui a dit non, tu n'as pas de repentir. Alors que cet homme, le mal bouillonne dans son cœur et dans son fort à l'intérieur, et les tentations ont le dessus sur lui. Le résultat, il a tué le moine, complétant le nombre de ses 100 victimes. Hein? Et notre noble cher, il dit, je crois, s'il avait croisé, dans sa recherche de repentir, un grand nombre de moines similaires à celui-là, il les aurait tués tous. قال حفظه الله أما العالم الراسخ في العلم فإنه سلك معه مسلكين. المسلك الأول تهدية جدوة الشر في نفسه وقلبه، فقال ومن يحول بينه وبين التوبة، وهذا يوجه بتوجيهين، أعني قوله ومن يحول بينه وبين التوبة، هذا التفات من الخطاب إلى الغيبة ويوجه بتوجيهين، أحدهما لما رأى فيه من الاندفاع والتشوف إلى الخلاص خشي أن يفهم خطأ فخاطب جالسيه من يحول بينه وبين التوبة، أو أن الراوي هذا التوجيه الثاني غير الصيغة فجعل الضمير محولا من الخطاب إلى الغيبة، والأصل أن يقول ومن يحول بينك وبين التوبة، هذا هو المسلك الأول. إذن كدي حفظه الله Quand un savant ancré dans la science, il a pris deux voies avec cet homme qui a tué 99 personnes. La première voie, il a calmé la flamme du mal dans le cœur de cette personne. Et il lui a dit, et qu'est-ce qui l'empêcherait de se repentir? Et cette phrase, qu'est-ce qui l'empêcherait de se repentir, doit être orientée de deux façons. Ce changement de l'expression du dialogue, de la formule du pronom de la deuxième personne du singulier à la troisième personne du singulier s'oriente de deux façons. Quand le savant a vu, la première, quand le savant a vu le désir très fort de cet homme de se débarrasser de ce fardeau, il a eu peur que l'homme ne le comprend pas bien. Donc le savant s'est adressé à ceux de l'assise en disant « Et qu'est-ce qui l'empêcherait de se repentir ?» Ça d'une part. Ou alors, tout simplement le transmetteur du hadith, et ça c'est la deuxième orientation de cette phrase, a changé la formule de l'expression du pronom de la deuxième personne du singulier au pronom de la troisième personne du singulier. Car à la base, il doit dire « Et qu'est-ce qui t'empêcherait de te repentir ?» Et ça, c'est la voie, la première voie. Mais comme le savant a vu que la religion de cet homme et son penchant vers le conseil, hein, il a pris avec une deuxième voie dans laquelle il lui a ordonné deux choses. قال حفظه الله فلما رأى ذلكم العالم دين المرء وميله إلى النصح سلك معه المسلك الثاني، أمره في هذا المسلك بشيئين، الأول أن لا يعود إلى أرضه لأنها أرض سوء، وهذه فراسة عالم، فإن العلماء الراسخين يوفقهم الله إلى فراسة صادقة يدركون بها من خطاب المستفتي. فهذا العالم ما أظنه يعرف قريته، لكنه أدرك من حال الرجل فتفرس أن قريته قرية سوء، فما أمره بعدم العود إليها. إذنك dit notre noble cheikh, mais comme le savant a vu que la religion de cet homme et son penchant vers le conseil, il a pris avec une deuxième voie dans laquelle il lui a ordonné deux choses. La première chose, c'est qu'il ne doit pas revenir dans ce pays car c'est un mauvais pays. Et ça, c'est l'intuition du savant, ou ce qu'on appelle le sixième sens, car les savants véridiques, Allah leur donne une intuition véridique avec laquelle ils captent du discours de celui qui les interroge le besoin ou l'orientation correcte qui, le besoin de la personne ou l'orientation correcte qui correspond à la personne. Et il dit, Habidallah, je ne crois pas que ce savant connaît la cité de cet homme. Mais il a capté et compris de la situation de cet homme que sa cité est une cité mauvaise et lui a ordonné de ne pas y revenir. الثاني أرشده إلى من يصلح له ساكنا ومسكونا. فالساكن أهل القرية الصالحة والمسكون أهل تلك القرية. فالأرض بسلوك أهلها فهم إما أن يصلحوا فيها بما يوفقهم الله إليه من حسن التدين إخلاصا لله ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس الخير بمن يوجد فيهم العلماء من الأهل العلم وإن كان قليلا. Et la deuxième chose qui lui a conseillé, il l'a orienté vers une cité qui va lui être bénéfique, ainsi que les habitants de cette cité. La cité, il est selon ceux qui l'habitent. Soit ceux qui l'habitent vont faire de leur cité une bonne cité par leur bonne religiosité ou l'accomplissant la religion sincèrement pour Allah, en y enseignant et en suivant cela le messager alayhi salam, et en enseignant le bien aux gens par le biais de savants qui s'y trouvent, même s'ils sont peu nombreux. يقول حفظه الله وهذا يدلنا على فائدة أخرى هي أنه ينبغي للأمة ذكورها وإناثها أن يحرصوا على الإفادة من علمائهم والارتباط بهم وأن ينأوا بأنفسهم عن القصاصين والجهلة وأهل الهوى. فهذه الأصناف الثلاثة فاسدة مفسدة، وإن أتوا بالمواعظ ما يبكي الناس ويجعلهم ينوحون كما تنوح الثكالى، وقد يوجد منهم العواء الذي يعوي كما يعوي الكلب، فإنها فاسدة مفسدة. Il dit, حفظه الله, et ceci nous oriente vers une autre leçon. Il incombe à la communauté, hommes et femmes, d'être en relation avec les savants de la communauté et de profiter de leur science. Ils doivent s'éloigner des conteurs d'histoire et des ignorants. Ils doivent s'éloigner des gens qui suivent leur passion. Ces trois catégories, qui sont les conteurs des histoires et les ignorants et ceux qui suivent leur passion, sont mauvais et sont la source du mal. Même s'ils font des exhortations qui font pleurer les gens. Et comme pour les pleureuses professionnelles des funéraires, il peut se trouver parmi eux les aboyeurs qui aboient comme des chiens. Et ceci est mauvais, et source du mal, et du et ceci est très mauvais, et il est source du mal. يقول حفظه الله: وقد جاء الحض على ملازمة أهل العلم الراسخين فيه الناصحين للأمة الذين يدعون إلى الفقه في دين الله والتمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى وفق فهم السلف الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إلتي حفظه الله. Il y a beaucoup de textes, c'est-à-dire dans la révélation, hadith et sunna, qui orientent et qui incitent à rester attachés au savant ancré dans la science. Si dit conseiller de la communauté, ceux qui appellent vers la compréhension de la religion d'Allah et qui appellent vers le fait de se cramponner à la sunna de son messager alayhi salatu salam, selon la voie et la compréhension des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, le prophète a dit concernant cela: les savants sont les héritiers des prophètes alayhim salatu salam. Or les prophètes alayhim salatu salam n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham, ils n'ont légué que la science. Celui qui s'en part recueille une part considérable du bien. Le hadith rapporté par Abu Daoud, authentifié par Sheikh Nasr, dit l'Albani rahmatullah alayhi dans Sahih Abu Daoud. Wa qala Muhammad ibn Sirin rahimahullah, at-tabi'i al-khayr, imam, qala inna hadha al-'ilma din fanzuru 'amman ta'khuduna dinakum. Wa ablagh min hadha qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. Et le noble tabi'i, Muhammad ibn Sirin, son noble imam, a dit: cette science est une religion. Regardez chez qui vous prenez votre religion. Il est rapporté par l'imam Muslim. Plus fort que cette parole de Ibn Sirin, la parole du messager d'Allah, qui a dit, dans ce hadith authentifié par Sheikh Nasr, dit l'Albani, rahmatullah alayhi, dans le Mishkat, et rapporté par Ibn Battah, dans l'Iban al-Kubra, hein, le prophète a dit: portera cette science les dînes de chaque génération qui vont la débarrasser de la falsification des extrémistes et du dénigrement et des déguisements des faussaires et des fausses interprétations des ignorants. Et par Allah, parmi les dînes de cette génération dans laquelle on est, il y a l'imam Rabi' et le rudi Cheikh Ubaid, qui sont des grands défenseurs de la sunna, et qui épluchent, hein, les erreurs des faussaires et des extrémistes et des innovateurs, et qui avertissent la communauté contre eux. Et maintenant, les insensés veulent éloigner la jeunesse de ces grands emblèmes de la science et de ces grands emblèmes de la défense de la sunna, pour que les innovateurs et les insensés aient le terrain libre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout le monde. Et la louange à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a allongé la vie de ces deux nobles hommes de science, Cheikh Rabi' et Cheikh Ubaid, pour faire face à cette fitna de la sa'faqa et à cette fitna des diviseurs de la communauté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge leur vie et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les comble de sa sainte miséricorde et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance sur la voie de la vérité, et qu'on se fasse pas avoir par des ambiguïtés. يقول حفظه الله: وقديما كانوا أعني أهل الأقطار أعني العلماء منهم يقولون: امتحنوا أهل المدينة في مالك وأهل الموصل في المعافى بن عمران، وامتحنوا أهل الشام في الأوزاعي، وامتحنوا أهل مصر في الليث بن سعد، فإن وجدوهم يثنون على هؤلاء العلماء ويعلنون محبتهم والثناء عليهم وذكرهم بالخير قربوهم وأكرموهم وإن وجدوهم على العكس من ذلك وعلى الضد منه فإنهم لا يقربونهم منهم ولا يكرمونهم كما يكرمون وافدة الأقطار الطيبة الذين أثنوا على علمائهم خيرا. يلدي حفظه الله. Les hommes de science disaient avant éprouver les gens de Médine par Imam Malik. Regardez ce qu'il dit sur l'Imam Malik. Éprouvez-les. Qu'est-ce qu'il pense de l'Imam Malik? Éprouvez les gens de la ville de Mosul en Irak par Mu'af ibn Imran. Regardez ce qu'il dit sur lui, qu'est-ce qu'il pense sur lui. Éprouvez les habitants du Sham, du nord de l'Arabie, par l'Auza'i. Éprouvez les habitants d'Égypte par Layth ibn Sa'd. S'ils font les éloges de ces savants et s'ils les citent en bien et montrent qu'ils les aiment, rapprochez-les, honorez-les. Et si c'est le contraire, quand ils ne les honorent pas, ils ne les rapprochent pas, comme ils rapprochent et honorent ceux qui viennent les voir de différents pays qui font les éloges de leurs savants. Maintenant, notre baromètre dans cette fitna, c'est quoi? Regarde. Autant on est des positions de Cheikh Obeid et de Cheikh Rabi' dans cette fitna. C'est un baromètre pour savoir où tu es. Et c'est une énorme ambiguïté. Je ne rentre pas dedans. Eh ben, dans l'islam, Cheikh Rabi' a dit, il faut choisir. Tu es obligé d'avoir une position. Et tu ne fais pas avoir par les sentiments. Parce que ton ami a pris le côté de l'Mufarriqa et du Musafiqa, tu penches avec lui. Et après tu ramènes des ambiguïtés. Moi, je n'ai pas étudié la situation. Les hommes de science ont donné leur verdict, ont montré où se trouve la vérité, et ils ont montré l'erreur de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on cherche? Où il est le fait de dire je suis avec le kibar? Cheikh Rabi' et Cheikh Obeid ne sont pas des kibar? والله المستعان. قال حفظه الله وبهذا يبطل شيئان حيال الامتحان أحدهما المنع من الامتحان مطلقا وأنه لا يسوغ الثاني إطلاق الامتحان وهذا خطأ فالوسط هو التفصيل هو الذي ينبغي وهو أنه يمتحن من يجهل حاله إما لجهالته فإذا رؤي أنه يتقرب بالطيبين ويتمسح بهم فهم يمتحنونه أو جهل تدينه ويدل لهذا قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه وهي في صحيح مسلم. الجهر إذا الله يبيك سلا. Deux choses s'annulent concernant l'épreuve, concernant le fait d'éprouver les gens et de savoir sur quoi ils sont. Il dit, la première des choses qui s'annule, l'interdiction absolue d'éprouver les gens. Cette position est nulle. La deuxième, l'épreuve absolue, éprouver l'absolu. De considérer que dans l'absolu qu'il faut éprouver les gens, il dit ceci aussi, c'est une erreur. Et il dit, à ce niveau-là, il faut détailler ce sujet, doit être détaillé, c'est le juste au milieu. Le juste milieu, c'est le fait d'être dans le détail, au niveau du fait d'éprouver les gens, pour savoir ce qu'ils voient, ils sont, et quelle position ils ont. Il dit, Habidallah, donc le détail de ce point s'impose. On éprouve et on questionne celui dont on ne connaît pas la situation, soit parce qu'il est inconnu, et si on voit qu'il se rapproche des bons, il les prend comme citadelle ou se cachent derrière eux, on les prouve, ou alors parce qu'on ignore sa religiosité. Et ceci est prouvé par l'histoire relatée dans le hadith de Muawiyah ibn al-Hakam Sulami, qui est une histoire relatée dans l'authentique de Muslim. وملخصها أنه كانت له جارية ترعى الغنم بسلع وهو معروف عند أهل المدينة إلى اليوم فأذى الذئب فخطف واحدة من الشياه فلما قدم سيدها أخبرته فنطمها ثم بعد ذلك تأثر وتأسف وندم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال يا رسول الله إني بشر أغضب كما يغضب البشر أخبره الخبر أفلا أعتقها قال جئني بها أنظر أمؤمنة فلما جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة فهذا الحديث دليل على أن من جهل حاله أو جهل تدينه فإنه يمتحن. Et donc le résumé de cette histoire rapportée par l'imam Muslim, l'histoire de Muawiyah ibn Abi al-Hakam Sulami, radiyallahu anhu, Muawiyah ibn Abi al-Hakam avait une domestique qui s'occupait de son troupeau de moutons dans un endroit qui est connu des habitants de Médine, encore aujourd'hui nommé Salah. Un jour le loup lui a pris une brebis, et quand son maître est arrivé, la servante lui a annoncé. Et Muawiyah l'a giflé. Il a donné une gifle à sa domestique. Et puis il a regretté son acte. Et il est parti voir le messager d'Allah. Et lui a conté ce qu'il a fait en lui disant, ô messager d'Allah, je suis un être humain. Je me mets en colère comme tous les êtres humains. Et il lui a annoncé ce qu'il a fait à la bergère. Et il a demandé au messager, est-ce que je la libère? Le messager lui a dit, ramène-la, ramène-la-moi, pour voir s'il est croyante. Et quand Muawiyah ibn Abi al-Hakam a ramené la domestique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à la domestique, où il est Allah? Où est Allah? La domestique a répondu, au ciel. Et le messager lui a dit, qui je suis? La domestique lui a répondu, tu es le messager d'Allah. Le messager a dit à Muawiyah, libère-la, c'est une croyante. Notre noble cheikh dit, ce hadith est une preuve que celui dont on ne connaît pas la situation et dont on ne connaît pas sa religiosité, on l'éprouve et on le questionne et on cherche à savoir. Hein? Hein? Comme notre situation maintenant, le brouillard de la Safaqa et du diviseur, nous devons savoir avec qui nous sommes, qui nous entoure, pour préserver notre voie, préserver notre religion. ثم في قال حفظه الله ثم في سد الباب سد باب الامتحان فيه نيل من علمائنا الحاضرين من مضوا مثل الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ بن عتيمين والشيخ بن باز وكلهم أئمة فمن عرف أنه من الجماعات الضالة مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين وكلتا الجماعتين ضالة مضلة منحرفة عن سبيل المؤمنين سالكة سبيل المضلين إذا شك في إنسان أنه ينتمي إلى إحدى هاتين الجماعتين فإنه يمتحن حتى يستبان أمره أو حتى يستبين أمره بل وزارة الشؤون الإسلامية منهجها مع المتقدمين للإمامة أو الدعوة أو غير ذلك فإن اللجنة الاستشارية في الفروع أو اللجان الاستشارية تختبره وتنظر أكفء أو لا هذا معلوم ولا يمكنه أحد اللي حفظه الله دون interdiction d'éprouver les gens. Et il y a une critique vis-à-vis de nos savants contemporains, comme l'imam Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, Cheikh Abdurrahman ibn Saadi, Cheikh ibn Uthaymeen, Cheikh ibn Baz, et tous ce sont des grands imams. Celui qui est connu comme adepte de ces groupes égarés, Tabligh, Ikhwan. Et les deux groupes sont des groupes égarés, égareurs, déviants de la voie des croyants, et qui sont sur la voie des égarés. Si on doute sur l'appartenance de quelqu'un à ces deux groupes, on l'éprouve jusqu'à ce que sa situation ne soit claire. Il dit, Habidallah, la voix du ministère des affaires islamiques en Arabie Saoudite concernant toute personne qui se présente pour l'imamah ou pour da'wa ou autre, le comité consultatif ou les sections consultatives l'éprouvent et voient est-ce qu'il a les aptitudes pour le poste pour lequel il se présente ou pas. Et ceci, c'est quelque chose de déterminé. Personne ne la rejette. Tout le monde sait cela. Il dit, Hamidallah, وَأَمَّا الْأَحْيَاءُ فَأَذْكُرُ رَجُلَيْنِ خَيْرَيْنِ وَغَيْرُهُمَا كَتِيرٌ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلَكِنْ قَصْدِ التَّمْتِيلِ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله والشيخ صالح بن اللحيدان حفظه الله فنحن والله نمتحن من لا يظهر لدينا أنه يحبهما فمن أبغضهما أبغضناه ونحسبهما على رسوخ في العلم وفقه ولله الحمد ودعوة حكيمة جميلة فمن أبغضهما أبغضناه ومن أحبهما قربناه فإذا ظهر منه ذلك مقتناه وأبعدناه وتخلينا عنه وأسلمناه إلى شيطانه قلنا لست منا ولسنا منك فاطلب غيرنا il dit حفظه الله il cherche ici cette assise a eu lieu le 5 Ramadan 1436 et cherche il a cité certains contemporains qui sont morts et là il cite deux vivants quant aux vivants il dit حفظه الله je cite deux nobles homme de science. Et il y a d'autres. Il a louange à Allah. Mais je veux tout simplement donner un exemple. Cheikh Salih bin Fawzan, Fawzan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Et Cheikh Salih bin Luhaydan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Il dit par Allah, j'éprouve ceux qui ne montrent pas l'amour de ces hommes. Celui qui les déteste, nous le détestons. Il a louange à Allah. On les considère, ces deux hommes, je les considère ancrés dans la science et dans la jurisprudence. Et ils font une da'wah sage à la perfection. Une belle da'wah, une bonne da'wah. Celui qui les déteste, on le déteste. Celui qui les aime, on le rapproche. Et par la suite, s'il fait apparaître le contraire de cela, on l'éloigne et on le méprise et on le laisse à son shaitan et on lui dit « Tu n'es pas des nôtres, on n'est pas des tiennes. Va chercher ailleurs. » فها يقول حفظه الله فهذا العالم أرشده أولا إلى هجر دوريته وأرشده ثانيا إلى أهل الصلاح مكان الصلاح والتقى وجماعة التبليغ الضالة المضلة التي يتبعها الملايين تواتر النخل عنهم أنهم يحتجون بالحديث أخرج من قريتك فإنها قرية سوء Et ce noble savant a orienté cet homme qui a tué 99 personnes a quitté sa cité qui est une mauvaise cité il a orienté vers un endroit où se trouve des vertueux qui préserve les droits d'Allah. Il dit, Habidallah, quand jama'at tabligh, cette jama'a égarée, égareuse, qui est suivie par 10 millions de personnes à travers le monde, il a été rapporté de façon notoire qu'ils prennent cette parole de ce hadith, sors de ta mauvaise cité, ils la prennent comme preuve pour justifier leur khuruj, leur sortie. Et Cheikh, il dit, انظروا المملكة العربية السعودية التي هي بلد التوحيد ودولتها دولة التوحيد وقراها ولله الحمد توحيد مليئة بالموحدين أهل التوحيد والسنة وأعظم قراها مكة حرسها الله والمدينة حرسها الله كذلك فمقولتهم هذه قاعدة مضطردة لا تسلم منها القريتين لا مكة ولا المدينة ناهيك عن أنها عامة في كل بلد مسلم السنة ظاهرة فيه فتفطنوا إلى ضلالة الجماعتين جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وهما كبرى أو كبريات الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها على ضلال وانحراف وفساد إلدي حفظه الله tire notre attention sur cette parole de Jama'at Tabligh qui prenne cette parole dans ce hadith sort de ta cité. Dit Cheikh, il dit, regardez le royaume d'Arabie Saoudite, qui est un pays, un royaume du monothéisme, il y a un état de monothéisme. Ces villes, comme ces villages, sont des cités de monothéisme, il a l'orange à Allah. Un pays plein de monothéisme, un pays plein de sunnah, il a l'orange à Allah. Et ces deux plus grandes cités sont la Mecque et Médine, qu'Allah les préserve. Et donc la parole d'établir sort de ta cité. Ne fais pas l'exception de la Mecque et de Médine. Et c'est une parole qui est générale et qui concerne tous les pays musulmans où la sunna est apparente. Soyez éveillés et sachez l'égarement de ces deux groupes, les Khwan et Tablir. Ce sont les deux nouveaux grands groupes de da'wah innovés qui sont pleins d'égarements, pleins de mal et pleins de déviance. يقول حفظه الله ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال بالخواتيم فهذا الرجل فطرته طيبة وقبل النصح وسعى إلى المكان الطيب دي السكان الطيبين ولكن وافته منيته فكان من رحمة الله به ما كان فلما نصف الطريق بين القريتين وأدركته المنية هيأ الله ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمون عنده وقد سمعتم خصومتهم خصومة الطائفتين من الملائكة عليهم الصلاة والسلام فملائكة الرحمة تحتج بأنه خرج تائبا والتوبة تجب ما قبلها هذه حجة قوية وملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قط وحجتهم من حاله فبعث الله ملكا على صورة رجل يحكم بينهما فحكم بما سمعتم بأن يقيسوا بين الأرضين بأن يقيسوا ما بين الأرضين فأية أرض هو أقرب إليها كان مع أهلها فكان من رحمة الله أنه أدنى بوحي الأرض الصالحة مسيرة شبر فأخذته ملائكة الرحمة إلدي حفظه الله Et parmi les leçons dans le hadith de l'homme qui a tué 99 personnes, c'est que les actes ne valent que par leur conclusion. Comment l'individu termine sa vie? Il la termine dans le bien ou il la termine dans le mal? La nature innée de cet homme qui a tué 99 personnes est bonne. Il a accepté le conseil. Et il est parti vers le bon endroit vers lequel l'a orienté de l'homme de science, cet endroit peuplé par les gens du bien. Mais la mort l'a cisé au milieu de la route. La miséricorde d'Allah contre la mort a cisé cet homme, a envoyé les anges de la clémence et ceux du châtiment se disputer sur sa situation. Et par la clémence d'Allah, et vous avez entendu le dialogue qu'il y a eu entre les deux parties, les anges de la clémence et les anges de du châtiment. Les anges de la miséricorde argumentent par le fait que l'homme est sorti de sa cité, voulant le repentir, étant repentant, revenant vers Allah. Et le repentir couvre ce qu'il a précédé. Et ça, c'est une preuve très forte, comme quoi le repentir couvre ce qui a été fait auparavant. Les anges du châtiment ont avancé que l'homme n'a jamais accompli de bien dans sa vie. Ils tiennent leur preuve de la situation sur laquelle était cet homme. Allah, de par sa clémence, a envoyé un ange dans la forme humaine pour juger entre eux les deux parties. Et vous avez entendu son jugement. Il leur a dit de mesurer la distance qui sépare l'homme de chaque cité et que l'homme appartient aux gens de la cité à laquelle il est le plus proche. Et par miséricorde d'Allah, Allah a révélé à la terre vertueuse de se rapprocher d'un empon. Et les anges de la miséricorde ont pris cet homme. يقول حفظه الله وهذا يدل على أن الله على أن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن عبده الذي يذكر إذا تذكر ويتعظ إذا وعظ وينتصح إذا نصح فهو سبحانه وتعالى فهو على تقوى قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون بصره الله عز وجل على يدي ذلك العالم وكان طائف الشيطان يلعب به لعبا ويميله تميلا تمييلا والله أعلم بحاله 100 نفس قتلها ظلما وعدمانا فغفر الله له ومحى عنه بتوبته تلك السيئات العظيمة. Et il a dit, Hamidallahu ta'ala, et cela prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne délaisse pas son serviteur qui s'exhorte quand on lui fait l'exhortation et qui se rappelle, qui prend le rappel quand on lui fait le rappel et qui met en application le conseil quand on lui prodigue le conseil. Cela prouve que celui-là, il est sur une piété. Comme il est dit dans le verset, qu'il a cité, Hafidhahullah Ta'ala, dans la traduction approximative, nous dit ceci: ceux qui préservent les droits d'Allah, en mettant en application ses ordres, et en s'abstenant de ses interdits, quand Shaitan vient leur dicter quelque chose, et quand ils se rappellent, ils deviennent clairvoyants de la situation. Et ils reviennent vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc cet homme, Allah, subhanahu wa ta'ala, par le biais de cet homme de science, lui a ouvert les yeux, alors qu'auparavant, Shaitan jouait avec cet homme, et l'envoyait à droite et à gauche, et cela là, c'est la situation dans laquelle était cet homme. Il a tué 100 personnes, injustement. Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné, et il a tout effacé. Il a effacé ces énormes péchés qu'il a fait avec le repentir. قال حفظه الله وقد جاءت روايات بعضها في لفظ مسلم أنه هو نأى بصدره وبعضها جاء أيضا أن الله أوحى إلى هذه أن تقربي ولهذه أن تباعدي ولا معارضة بين هذه الروايات أبدا وإنما يقال كيف ذنى كيف نأى بصدره نقول لعله حين أحس بالموت حاول فنأى بصدره إلى الأرض التي سيقدم عليها لولا موافاته المنية. Et il dit, Hafidhahullah, il a été rapporté dans d'autres versions, certains sont relatés par Muslim, que l'homme s'est avancé avec sa poitrine, hein, et dans d'autres, Allah a révélé à la cité du bien de se rapprocher et à la cité du mal de s'éloigner. Et il n'y a aucune contradiction entre les versions. Il dit, Hafidhahullah, mais on dit, comment cet homme s'est rapproché avec sa poitrine? On dit que peut-être au moment où il a senti la mort, il a essayé de se rapprocher avec sa poitrine de la terre vers laquelle il voulait arriver avant sa mort. Il dit, Hamidahullah, هذا ولا أقول أني استوفيت كل ما في الحديث لكني أوجزت وإن كان في بعض المواضع طول وما أردت إلا إفادة نفسي والحاضرين والمستمعين من أبنائي وبناتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Il dit, Hamidahullah, je ne dis pas que j'ai cité toutes les leçons qu'il y a dans le hadith, mais j'ai été concis. Même si j'étais long sur certains points, je ne voulais tout simplement que prendre des leçons pour moi-même et en faire profiter ceux qui sont présents et ceux qui m'écoutent parmi mes garçons et mes filles. et prières et salutations sur notre prophète Mohammed, sa famille et tous ses nobles compagnons. Ici, c'est la fin de cette assise concernant le hadith de l'homme qui a tué 99 personnes que notre noble cheikh a donné le 5 Ramadan au l'an 1436 dans la mosquée de Ridwan face à Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, bi asma'i al-husna wa sifati al-ula أن يمتع شيخنا بالصحة والعافية وأن يطيل عمره في طاعته وأن يرزقه الفردوس الأعلى وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا